brousse, l'insolence, tire, le syndrome, route corps, les régales récordes. On est hal, écoute, hal, écoute, yeah. Part à la traîne sous un nuage gris. J'porte le numéro 13, prends la crêle dans une caisse dont l'allumage gris. Ça c'est l'histoire de ma life, j'ramasse en silence. La paix ça parle peu, mais un démon me ragasse en silence aux abris. Puis je ressors très vite, vers les 400 coups. Arrache le bloc, fais les films et filmé vite, tous les gars sont gros. J'ai pas attendu qu'elle soit belle pour coûter à la chair. À l'époque, tout se fait à la chaîne, elle pèse à dossier à la chaise. Le 13 prend la crêle, une vie sans attrait me pousse à prendre la brèche. J'ai passé plus de 10 ans sans adresse, pas un hymne à la famine, mais un hommage au brut. Pareil que linge, ça se lave en famille. Mais moi je brûle sans rancune, j'porte la bague qui m'a cogné. La barbe d'un homme barge qui n'est bon qu'à grogner. Puis le rap m'a plu, je ne reste pas une arme se pointe. Tu comprendras que ma plume pèse le poids d'une arme de poing. Tu sais parfois je me demande vraiment ce que je serais sans le rap. J'parle pas de mon ange gardien, j'aurais déserté quand il descendra loin de mes semblables. Loin, j'comptais mes fautes, mes entailles, ouvert les yeux depuis que mon enfant s'est tué y'a 15 ans de ça. J'suis resté de marbre, récit près des flammes. J'ai donc quitté ses âmes, cherchant ma bonne étoile, j'croyais qu'elle pouvait m'abriter des fois. J'ai cessé croire aux hommes, putain, j'ai même laissé la gloire aux autres. Pris désespoir pour moi, y'est dans le décor depuis le 16, mais j'bois. Mort littéralement, j'porte la brique et malchance sur mes épaules. J'poserai les armes une fois que j'aurai quitté la France. J'ai la gorge pliée, j'avance à 30 tortiller la France. C'est la foutue rétine, tu peux me croire, j'vois les choses différemment. Et sûrement, l'âge de raison, j'frapperai jusqu'à ce que mes os se brisent sur le parpaing. Sur ce champ, on y verra que mes sangs. J'laisserai les traces de mes sangs, j'tournerai les pages et défendrai toutes mes fautes marquées sur tout mon corps comme cet âge de naissance. Y'a un tas de raisons pour que j'en rajoute. Mec, c'est durant 4 saisons, quand on la joue, j'ai des marques dans le dos. Ce qui me tue pas au plus faible, donc j'suis bien qu'avec mes cas dans le dos, mon divin. Y'a un tas de raisons pour que j'en rajoute. Mais c'est durant 4 saisons quand on la joue. J'ai des marques dans le dos. Ce qui me tue pas en plus faible, donc j'suis bien qu'avec mes cas dans le dos. Du bas que j'ai l'âge de raisonner. Entre beaux discours, reste à la d'assaisonner. J'entends toujours l'écho des paroles des sages raisonner. Sans réfléchir, on s'est lassé. Allie les cuivres et l'acier. Sur les batailles, lisser l'acier. Pour réfléchir avant d'agir. En coup de main, une raclée. Entouré par une centaine de stars. Aurais-je besoin de te rappeler qu'on rappait pour chanter dans le train de star. Et avant de couper le coche, couper le dos, j'ouille mes poches. Puis mes proches, quand le soir, j'ai fait briller ma lanterne noire. À chaque fin de saison, c'est comme à chaque fin de saison. Pas de pognon, main de raison. Bouffer du pain de sel. Et entre ta demi s'insérer. Et le gros tas de mi va flairer. Il faudra avoir les griffes à serrer. Pour tenter la fin de terre. La vie est pleine de pièges. Y'a ceux qui serrent les dents. Et y'a les gens qui se font culant. Et se soigner au pain de siège. Avant d'entendre chanter la funèbre raison d'arriver l'âge de raison. Hanter le funeste raison. Y'a un tas de raisons pour que j'en rajoute. C'est que c'est durant 4 saisons quand on lâche. Et j'ai des marques dans le dos. Ce qui ne tue pas en plus faible, donc j'suis bien qu'avec mes gars dans le dôme. Me cas. Y'a un tas de raisons pour que j'en rajoute. C'est que c'est durant 4 saisons quand on lâche. J'ai des marques dans le dos. Ce qui ne tue pas en plus faible, donc j'suis bien qu'avec mes gars dans le dôme. Mention. En 2012, j'peux dire j'ai assez traîné. J'compte mes potes, m'éloigne de l'âge des gosses. J'approche plus de l'âge des aînés. Dès l'âge de raison, j'm'accorde plus le droit d'essayer. Des masses de questions, ça me torture, j'peux pas m'égayer. C'est comme une maison vide, une saison grise. Une version triste d'un monde où ça devient dur d'élever son fils. On sert tout sur des combines. Tout s'arrête, c'est vrai. Alors on court après des rêves. Parce qu'on cherche tous une raison de vivre. J'donne un résumé de moi galère. Tout en quelque sorte, tous nos textes s'expulsent de nos boîtes crâniennes. Messieurs, j'éparpille mes mots comme les livres. Plus rien ne m'étonne. C'est rare que tu me vois les yeux écarts, qui est gros comme des billes. On rêve de percer le monde avant que la terre s'effondre. Mais c'est conduit, c'est Hollywood, comment ta tête c'est le bronze. Si j'calcule, c'est pas lu, mais tu es depuis l'eau. Mec, j'fais pas de tu, j'fais pas de tu, mais j'donne des tuyaux. Y'a un tas de raisons pour que j'en rajoute. Mec, c'est durant 4 saisons quand on la joue. J'ai des marques dans le dos. Ce qui ne tue pas rend plus faible, donc j'suis bien qu'avec mes gars dans le dos. Y'a un tas de raisons pour que j'en rajoute. Mec, c'est durant 4 saisons quand on la joue. J'ai des marques dans le dos. Ce qui ne tue pas rend plus faible, donc j'suis bien qu'avec mes gars dans le dos. Et mes tics,